reprise. Delphine confesse quelque part qu'elle aime peu la peinture, et quand elle se promène dans les jardins, elle est bien plus occupée des urnes et des tombeaux que de la nature elle-même. Mais cette vapeur d'automne, qui enveloppait l'horizon de Belle-Rive, s'évanouit à la clarté des horizons romains. Tous les dons, toutes les muses qui vont faire cortège à Corinne, se hâtent d'éclore. Note. Ce dut être durant le séjour à Rome 1805 que M. de Schlegel, qui accompagnait Mme de Staël, lui adressa l'élégie intitulée « Rome » en distique. Nous avons cherché à en reproduire le sentiment dans les stances suivantes, en supprimant toutefois l'histoire entière et détaillée de Rome qui fait le principal de la pièce allemande et qui est dans le style grave des fastes. Mais le ton général du début et tout le mouvement de la fin qui se rapporte à Madame de Staël ont été conservés, autant du moins que nous avons pu y réussir. On sait que la pyramide de Cestius marque le cimetière des protestants. Rome, élégie. Au sein de Parthénope as-tu goûté la vie? Dans le tombeau du monde apprenons à mourir. Sur cette terre en vain, splendidement servie, le même astre immortel règne sans se couvrir. En vain, depuis les nuits des hautes origines, un ciel inaltérable y luit d'un fixe azur, et comme un dais s'empli au front des sept collines, s'étend des monts Sabius jusqu'à la tour d'Astur. Un esprit de tristesse immuable et profonde habite dans ces lieux et conduit pas à pas. Hors l'écho du passé, pas de voix qui réponde. Le souvenir vous gagne et le présent n'est pas. Accouru de l'Olympe au matin de Cybèle, là, Saturne apporta l'anneau des jours anciens. Janus assis, scella la chaîne encore nouvelle. Vinrent les longs loisirs des rois arcadiens. Et sans quitter la chaîne, en descendant des Vendres, on peut, d'or ou d'airain, tout faire retentir. Chaque pierre a son nom, tout mont garde sa cendre. Vieux roi mystérieux, Scipion ou martyr. Avoir été, c'est Rome aujourd'hui tout entière. Janus ici lui-même apparaît mutilé. Son front vers l'avenir n'a forme ni lumière. L'autre front seul regarde un passé désolé. Et quels aigles pourraient lui porter les augures? Quelle sibylle encore lui chanter l'avenir? Ah, le monde vieillit, les nuits se font obscures. Et nous venus si tard, et pour tout voir finir, nous, rêveurs d'un moment qui voulons des asiles, sans plus nous émouvoir des spectacles amers, dans la ville éternelle, il nous siérait, tranquille, au bout de son déclin, d'attendre l'univers. Voilà de Cestius la pyramide antique. L'ombre au bas s'en prolonge et meurt dans les tombeaux. Le soir étant son deuil, et plus avant m'explique, la scène d'alentour, sans voix et sans flambeau. Comme une cloche au loin confusément vibrante, la cime des hauts pins résonne et pleure au vent. Seul bruit dans la nature, on la croirait mourante. Et, parmi ces tombeaux, moi donc, suis-je vivant? Heure mélancolique où tout se décolore, et suit d'un vague adieu l'astre précipité. Les étoiles au ciel ne brillent pas encore. Espace entre la vie et l'immortalité. Mais quand la nuit bientôt s'allume et nous appelle, avec ses yeux sans nombre ardents et plus profonds, l'esprit se reconnaît, sentinelle fidèle, et fait signe à son char aux lointains horizons. C'est ainsi que ton œil, ô ma noble compagne, beau comme ceux des nuits, attend ma rencontrée. Et je reçois de toi, quand le doute me gagne, vérité, sentiment en un rayon sacré. Celui qui dans ta main sentit presser la sienne, pourrait-il du destin désespérer jamais ? Rien de grand avec toi que le bon n'entretienne, et le chemin aimable est près des hauts sommets. Tant de trésors voisins dont un peuple se sèvre, tentent ton libre esprit et font fête à ton cœur. Laisse-moi découvrir son secret à ta lèvre, quand le fleuve éloquent y découle en vainqueur. De ceux des temps anciens et de ceux de nos âges, longtemps nous parlerons, vengeant chaque immolé. Et quand vers le bosquet des pieux et des sages, nous viendrons au dernier, à ton père exilé, si ferme jusqu'au bout en lui-même et si maître, si tendre au genre humain par oubli de tout fiel, nous bénirons celui que je n'ai pu connaître, mais qui m'est révélé dans ton deuil éternel. Reprise. Revenu à Coppet en 1805 et s'occupant d'écrire son roman-poème, Madame de Staël ne put demeurer plus longtemps à distance de ce centre unique de Paris, où elle avait brillé, et en vue duquel elle aspirait à la gloire. C'est alors que se manifeste en elle cette inquiétude croissante, ce mal de la capitale, qui ôte sans doute un peu à la dignité de son exil, mais qui trahit du moins la sincérité passionnée de tous ses mouvements. Un ordre de police la rejetait à 40 lieues de Paris. Instinctivement, opiniâtrement, comme le noble coursier au piquet, qui tend en tous sens son attache, comme la mouche abusée qui se brise sans cesse à tous les points de la vitre en bourdonnant. Elle arrivait à cette fatale limite, à Auxerre, à Châlons, à Blois, à Saumur. Sur cette circonférence qu'elle décrit et qu'elle essaye d'entamer, sa marche inégale avec ses amis devient une stratégie savante. C'est comme une partie d'échecs qu'elle joue contre Bonaparte et Fouché, représentés par quelques préfets plus ou moins rigoristes. Quand elle peut s'établir à Rouen, la voilà, dans le premier instant, qui triomphe, car elle a gagné quelques lieues sur le rayon géométrique. Mais ces villes de province offraient peu de ressources à un esprit si actif, si jaloux de l'accent et des paroles de la pure Athènes. Le mépris des petitesses et du médiocre en tout genre la prenait à la gorge, la suffoquait. Elle vérifiait et commentait à satiété la jolie pièce de Picard. L'étonnante conversation de Benjamin Constant conjurait à grand-peine cette vapeur. « Le pauvre Schlegel, disait-elle, se meurt d'ennui. Benjamin Constant se tire mieux d'affaire avec les bêtes. » Voyageant plus tard en 1808 en Allemagne, elle disait « Tout ce que je vois ici est meilleur, plus instruit, plus éclairé peut-être que la France. Mais un petit morceau de France ferait bien mieux mon affaire. » 2 ans auparavant, en France, en province, elle ne disait pas cela. Ou elle le disait alors de Paris, qui seul existait pour elle. Enfin, grâce à la tolérance de Fouché, qui avait pour principe de faire le moins de mal possible quand c'était inutile, il y eut moyen de s'établir à 18 lieues de Paris. Quelle conquête ! À Acosta, terre de Madame de Castellane. Elle surveillait de là l'impression de Corinne. En renvoyant les épreuves du livre, elle devait répéter souvent comme Ovide « Va, mon livre, heureux livre, qui ira à la ville sans moi !»« Oh, le ruisseau de la rue du Bac » s'écriait-elle quand on lui montrait le miroir du Léman. Madame de Staël demeurait avant son exil, rue de Grenelle-Saint-Germain, près de la rue du Bac. À Acosta, comme à Coppet, elle disait ainsi. Elle tendait plus que jamais les mains vers cette rive si prochaine. Note. Le goût de la nature champêtre ne fut jamais essentiel chez Madame de Staël, et cette opiniâtre idée de la rue du Bac achevait de lui en gâter le plaisir. Se promenant un jour à Acosta avec les deux Schlegel et M. Foriel, celui-ci qui lui donnait le bras se mit involontairement à admirer un point de vue. « Ah, mon cher Foriel, dit-elle, vous en êtes donc encore au préjugé de la campagne. » Et sentant aussitôt qu'elle disait quelque chose d'extraordinaire, elle sourit pour corriger cela. Bien plus tard, après l'Empire, causant un jour avec M. Mollet, et s'étonnant qu'un homme d'autant d'esprit aimât la campagne, elle s'échappa à lui dire « Si ce n'était le respect humain, je n'ouvrirais pas ma fenêtre pour voir la baie de Naples pour la première fois, tandis que je ferais 500 lieues pour aller causer avec un homme d'esprit que je ne connais pas. » Manière piquante et même flatteuse d'exprimer combien elle préférait la conversation et la société à la nature. Reprise. L'année 1806 lui sembla trop longue pour que son imagination tînt à un pareil supplice. Et elle arriva à Paris un soir, n'amenant ou ne prévenant qu'un très petit nombre d'amis. Elle se promenait chaque soir et une partie de la nuit à la clarté de la lune, n'osant sortir de jour. Mais il lui prit, durant cette aventureuse incursion, une envie violente qui la caractérise, un caprice, par souvenir, de voir une grande dame, ancienne amie de son père, Madame de Tessé, celle même qui disait « Si j'étais reine, j'ordonnerais à Madame de Staël de me parler toujours. » Cette dame, pourtant, alors fort âgée, s'effraya à l'idée de recevoir Madame de Staël proscrite, et il résulta de la démarche une série d'indiscrétions qui firent que Fouché fut averti. Il fallut vite partir et ne plus se risquer désormais à ses promenades au clair de lune, le long des quais, du ruisseau favori et autour de cette place Louis XV si familière à Delphine. Bientôt, la publication de Corinne vint confirmer et redoubler pour Madame de Staël la rigueur du premier exil. Note. Les preuves de la dureté avec laquelle elle fut traitée ne sont plus à donner ni à discuter. On lit dans la correspondance imprimée de Napoléon au commencement d'une lettre de l'empereur à Cambacérès, écrite d'Ostérode, 26 mars 1807. « J'ai écrit au ministre de la police de renvoyer Madame de Staël à Genève, en lui laissant la liberté d'aller à l'étranger tant qu'elle voudra. Cette femme continue son métier d'intrigante. Elle s'est approchée de Paris malgré mes ordres. C'est une véritable peste. Mon intention est que vous en parliez sérieusement au ministre, car je me verrai forcée de la faire enlever par la gendarmerie. Ayez aussi l'œil sur Benjamin Constant, et à la moindre chose dont il se mêlera, je l'enverrai à Brunswick, chez sa femme. » Point d'interrogation. Je ne veux rien souffrir de cette clique. Je ne veux point qu'il fasse de prosélyte et qu'il m'expose à frapper de bons citoyens. Napoléon affecte de considérer en principe Madame de Staël comme étrangère, et de même il affectait alors de ne voir en Benjamin Constant qu'un étranger. Cela se raccommoda dans les 100 jours. Reprise. Nous la trouvons rejetée à Copé, où, après tout, elle nous apparaît dans sa vraie dignité, au centre de sa cour majestueuse. Ce que le séjour de Ferney fut pour Voltaire, celui de Copé l'est pour Madame de Staël, mais avec bien plus d'auréole poétique, ce nous semble, et de grandiose existence. Tous deux, ils règnent dans leur exil. Mais l'un dans sa plaine, du fond de son château assez mince, en vue de ses jardins taillés et peu ombragés, détruit et raille. L'influence de Copé, Tancrède à part et Aménaïde qu'on y adore, est toute contraire. C'est celle de Jean-Jacques continuée, ennoblie, qui s'installe et règne tout près des mêmes lieux que sa rivale. Copé contrebalance Ferney et le détrône à demi. Nous tous du jeune siècle, nous jugeons Ferney en descendant de Copé. La beauté du site, les bois qui l'ombragent, le sexe du poète, l'enthousiasme qu'on y respire, l'élégance de la compagnie, la gloire des noms, les promenades du lac, les matinées du parc, les mystères et les orages inévitables qu'on suppose. Tout contribue à enchanter pour nous l'image de ce séjour. Coppet, c'est l'Élysée que tous les cœurs, enfants de Jean-Jacques, eussent naturellement prêté à la châtelaine de leurs rêves. Madame de Genlis, revenue de ses premiers torts et les voulant réparer, a essayé de peindre, dans une nouvelle intitulée Athénaïs ou le château de Coppet, en 1807, les habitudes et quelques complications délicates de cette vie, que, de loin, nous nous figurons à travers un charme. Mais on ne doit pas chercher une peinture fidèle dans cette production, d'ailleurs agréable. Les dates y sont confuses, les personnages groupés, les rôles arrangés. M. de Schlegel y devient un grotesque, sacrifié sans goût et sans mesure. Le tout enfin se présente sous un faux jour romanesque qui altère, à nos yeux, la vraie poésie autant que la réalité. Pour moi, j'aimerais mieux quelques détails précis sur lesquels ensuite l'imagination de ceux qui n'ont pas vu se plairait à rêver ce qui a dû être. La vie de Coppet était une vie de château. Il y avait souvent jusqu'à 30 personnes, étrangers et amis. Les plus habituels étaient Benjamin Constant, M. Auguste Wilhelm de Schlegel, M. de Sabran, M. de Sismondi, M. de Bonstetten, les barons de Vogue, de Balck, etc. Chaque année, ils ramenaient une ou plusieurs fois M. Mathieu de Montmorency, M. Prosper de Barente, le prince Auguste de Prusse, la beauté célèbre tout à l'heure désignée par Madame de Genlis sous le nom d'Athénaïs. Une foule de personnes du monde, des connaissances d'Allemagne ou de Genève. Les conversations philosophiques, littéraires, toujours piquantes ou élevées, s'engageaient déjà vers 11 heures du matin à la réunion du déjeuner. On les reprenait au dîner, dans l'intervalle du dîner au souper, lequel avait lieu à 11 heures du soir, et encore au-delà souvent, jusqu'après minuit. Benjamin Constant et Madame de Staël y tenaient surtout le dé. C'est là que Benjamin Constant, que nous, plus jeunes, n'avons guère vu que blasé, sortant de sa raillerie trop invétérée par un enthousiasme un peu factice, causeur toujours prodigieusement spirituel, mais chez qui l'esprit, à la fin, avait hérité de toutes les autres facultés et passions plus puissantes. Note. C'est dans cette disposition d'esprit plus fine et railleuse qu'on ne l'aimerait, furent écrites par lui quelques pages, qu'on trouvera au livre des 101, tome 7. Reprise. C'est là qu'il se montrait avec feu, et naturellement ce que Madame de Staël le proclamait sans prévention, le premier esprit du monde. Il était certes le plus grand des hommes distingués. Leurs esprits, du moins, à tous les deux, se convenaient toujours. Ils étaient sûrs de s'entendre par là. Rien, au dire des témoins, n'était éblouissant et supérieur comme leur conversation engagée dans ce cercle choisi, eux deux tenant la raquette magique du discours et se renvoyant durant des heures, sans manquer jamais, le volant de 1000 pensées entrecroisées. Mais il ne faudrait pas croire qu'on fût là, de tout point, sentimental ou solennel. On y était souvent simplement gai. Corinne avait des jours d'abandon où elle se rapprochait de la signora Fantastici. On jouait souvent à Coppet des tragédies, des drames, ou les pièces chevaleresques de Voltaire, Zahir, Tancrède, si préférées de Madame de Staël, ou des pièces composées exprès par elle ou par ses amis. Ces dernières s'imprimaient quelquefois à Paris pour qu'on pût ensuite apprendre plus commodément les rôles. L'intérêt qu'on mettait à ces envois était vif, et quand on avisait à de graves corrections dans l'intervalle, vite on expédiait un courrier et, en certaines circonstances, un second pour rattraper ou modifier la correction déjà en route. La poésie européenne assistait à Coppet dans la personne de plusieurs représentants célèbres. Zacharias Werner, l'un des originaux de cette cour et dont on jouait l'Attila et les autres drames avec grand renfort de dames allemandes, Werner écrivait vers ce temps, 1809, au conseiller Schneffer. Nous atténuons pourtant deux ou trois traits auxquels l'imagination, malgré lui sensuelle et voluptueuse, du mystique poète, s'est trop complue. Guillemets, Madame de Staël est une reine, et tous les hommes d'intelligence qui vivent dans son cercle ne peuvent en sortir, car elle les y retient par une sorte de magie. Tous ces hommes-là ne sont pas, comme on le croit follement en Allemagne, occupés à la former. Au contraire, ils reçoivent d'elle l'éducation sociale. Elle possède d'une manière admirable le secret d'allier les éléments les plus disparates, et tous ceux qui l'approchent ont beau être divisés d'opinion, ils sont tous d'accord pour adorer cette idole. Madame de Staël est d'une taille moyenne, et son corps, sans avoir une élégance de nymphe, a la noblesse des proportions. Elle est forte, brunette, et son visage n'est pas à la lettre très beau. Mais on oublie tout dès que l'on voit ses yeux superbes, dans lesquels une grande âme divine non seulement étincelle, mais jette feu et flamme. Et si elle laisse parler complètement son cœur, comme cela arrive si souvent, on voit comme ce cœur élevé déverse encore tout ce qu'il y a de vaste et de profond dans son esprit, et alors il faut l'adorer, comme mes amis Schlegel et Benjamin Constant, etc. Fin des guillemets. Il n'est pas inutile de se figurer l'auteur galant de cette peinture. Werner, bizarre de mise et volontiers barbouillé de tabac, muni qu'il était d'une tabatière énorme, où il puisait à foison durant ses longues digressions érotiques et platoniques sur l'androgyne. Sa destinée était de courir sans cesse, disait-il, après cette autre moitié de lui-même, et, d'essai en essai, de divorce en divorce, il ne désespérait pas d'arriver enfin à reconstituer son tout primitif. Le poète danois, Helen Schlegger, a raconté en détail une visite qu'il fit à Copé, et il y parle du bon Werner en ce sens. Nous emprunterons au récit d'Helen Schlegger quelques autres traits. Guillemets. Madame de Staël vint avec bonté au-devant de moi, et me pria de passer quelques semaines à Copé, tout en me plaisantant avec grâce sur mes fautes de français. Je me mis à lui parler allemand. Elle comprenait très bien cette langue, et ses deux enfants la comprenaient et la parlaient très bien aussi. Je trouvai chez Madame de Staël Benjamin Constant, Auguste Schlegel, le vieux baron Vogt d'Altona, von Stetten de Genève, le célèbre Simonde de Sismondi, et le comte de Sabran, le seul de toute cette société qui ne sut pas l'allemand. Schlegel était poli à mon égard, mais froid. Madame de Staël n'était pas jolie, mais il y avait dans l'éclair de ses yeux noirs un charme irrésistible. Et elle possédait au plus haut degré le don de subjuguer les caractères opiniâtres et de rapprocher, par son amabilité, des hommes tout à fait antipathiques. Elle avait la voix forte, le visage un peu mâle, mais l'âme tendre et délicate. Elle écrivait alors son livre sur l'Allemagne et nous en lisait chaque jour une partie. On l'a accusée de n'avoir pas étudié elle-même les livres dont elle parle dans cet ouvrage, et de s'être complètement soumise au jugement de Schlegel. C'est faux. Elle lisait l'allemand avec la plus grande facilité. Schlegel avait bien quelque influence sur elle, mais très souvent elle différait d'opinion avec lui et lui reprochait sa partialité. Schlegel, pour l'érudition et pour l'esprit duquel j'ai un grand respect, était, en effet, imbu de partialité. Il plaçait Calderon au-dessus de Shakespeare, il blâmait sévèrement Luther et Herder, il était, comme son frère, infatué d'aristocratie. Si l'on ajoute à toutes les qualités de Madame de Staël qu'elle était riche, généreuse, on ne s'étonnera pas qu'elle ait vécu dans son château enchanté comme une reine, comme une fée. Et sa baguette magique était peut-être cette petite branche d'arbre qu'un domestique devait déposer chaque jour sur la table, à côté de son couvert, et qu'elle agitait pendant la conversation. Fin des guillemets. Au défaut du rameau de feuillage, du gui sacré, c'était l'éventail, ou le couteau d'ivoire ou d'argent, ou simplement un petit étendard de papier qu'agitait sa main, cette main inquiète du sceptre. Quant au portrait de Madame de Staël, on voit combien tous ceux qui la crayonnent s'accordent dans les traits principaux, depuis M. de Guibert jusqu'à Oehlenschläger et Werner. Deux fidèles et véritables portraits par le pinceau dispenseraient d'ailleurs de toutes ces esquisses littéraires. Le portrait peint par Madame Lebrun, 1807, qui nous rend Madame de Staël en Corinne, nue-tête, la chevelure frisée, une lyre à la main. Et le portrait à turban par Gérard, composé depuis la mort, mais d'après un parfait souvenir. En réunissant quelques ébauches de diverses plumes contemporaines, nous croyons pourtant n'avoir pas fait inutilement. On n'est jamais las de ces nombreuses concordances, à l'égard des personnes chéries, admirées et disparues. Un trait essentiel de la vaste hospitalité de Copé, c'était un fond d'ordre au milieu de tant de variétés et de diversions. On sentait toute l'aisance de la richesse sans rien de ces profusions qui minent trop souvent et dégradent de près de brillantes existences. Ici, une main dispensatrice rendait la scène facile et ouvrait une part large au drame et au roman, par une sage économie de moyens. En un mot, on jouissait, sans en voir les ressorts, de l'habile ménagement d'une grande fortune. La fille de M. Necker, au milieu de tant de contrastes qu'elle associait, avait encore retenu cela de son père. La poésie anglaise, qui durant la guerre du continent n'avait pu assister à ce congrès permanent de la pensée, dont Copé fut le séjour, y parut en 1816, représentée par Lewis et par Byron. Ce dernier, dans ses mémoires, a parlé de Madame de Staël d'une manière affectueuse et admirative, malgré quelques légèretés de ton pour l'oracle. Il convient, tout blasé qu'il est, qu'elle a fait de Copé le lieu le plus agréable de la terre par la société qu'elle y reçoit, et que ses talents y animent. De son côté, elle le jugeait l'homme le plus séduisant de l'Angleterre, ajoutant toutefois « Je lui crois juste assez de sensibilité pour abîmer le bonheur d'une femme. » Près de l'endroit où elle juge ainsi Byron, elle disait comme par une association naturelle « Je n'aime pas le livre de Benjamin Constant, je ne crois pas que tous les hommes soient Adolphe, mais les hommes à vanité. » Byron lui-même a dit en ses mémoires « Je vous envoie l'Adolphe de B et C, il contient de sombres vérités. Quoique, à mon avis, ce soit un ouvrage trop triste pour être jamais populaire. La première fois que je le lus, ce fut en Suisse, 1816, d'après le désir de Madame de Staël. » Et il ajoute un mot contre une supposition fausse qui avait couru. L'original d'Elénore était Madame Lindsay, celle que M. de Chateaubriand, dans ses mémoires, appelle la dernière des Ninons. Ce qui pourtant ne veut pas dire qu'il ne s'y soit glissé plus d'un trait applicable à la liaison de l'auteur et de Madame de Staël. Ces personnages de romans sont complexes. Sismondi en a trop dit, dans ses lettres publiées depuis, pour qu'on ne perce pas les masques plus qu'on aurait voulu.